Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, effets spéciaux et action. Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son ennemi juré, Maxime Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul, il engage alors, un peu malgré lui, Dave, un garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel pour devenir son apprenti. J'ai parcouru la terre entière pour te trouver. Tu vas être une force du bien et un très grand sorcier. Mais pour l'instant, tu es mon apprenti. Je suis quoi ? Vous êtes cinglé ? Je vais te donner les bases. Si un sorcier est faible, sa magie est faible. Tout ce qu'on fait, on le fait pour défendre l'homme. Je suis pas un héros, je suis fan de physique, c'est tout. Oh, on va s'entraîner. Arme favorite, la boule de plasma. J'arrive ! Réessaye. Comment t'as fait ça ? Je suis un sorcier. Et c'est... nouveau ? Il n'y a que deux choses qui comptent dans le monde, le pouvoir et le contrôle. L'apprenti sorcier avec Nicolas Cage, un DVD Disney.